Vous écoutez Futur Simple, Valérie Levé au microphone, et nous allons faire un curieux mélange entre la guerre, la chimie, la physique, mais surtout, on va le faire en s'amusant. La guerre n'est qu'un prétexte à une aventure de chimie et de physique, et tout ça, ça se passe dans un bunker pas très loin de chez vous, le bunker de la physique, le bunker de la chimie. Et pour nous faire découvrir ces lieux insolites, je reçois Joël Leblanc, qui a tout un palmarès d'activités en communication scientifique. Bonjour Joël. Bonjour Valérie. J'aimerais tout d'abord, avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet avec ce bunker, qu'on fasse rentrer les auditeurs dans le bunker. J'aimerais que vous vous présentiez un petit peu pour qu'on sache un peu, qu'est-ce qui vous a amené à co-concevoir ce bunker. Qu'est-ce que vous avez, votre cheminement finalement à travers la communication scientifique, la rédaction scientifique. J'arrive. Je suis avant tout, c'est comme vous le dites, je suis un communicateur scientifique. Pour bien des gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Non. Mais quand on est dedans, on se dit, c'est peut-être le titre qui nous qualifie le mieux parce que ça inclut du journalisme scientifique. Je suis journaliste scientifique à l'écrit, dans la presse. À Québec Science, notamment. Oui, exactement. Ouais. J'écris principalement pour le magazine Québec Science et quelques autres magazines québécois. Comme Curium, Naître et Grandir, de façon moins assidue, mais Québec Science, souvent les gens qui lisent les magazines de sciences ou autres lisent rarement les noms des auteurs de toute façon, donc je suis pas nécessairement connu des lecteurs, mais ils me lisent souvent. Et puis, à travers ça, j'ai aussi un bagage en éducation scientifique. J'ai passé 6 ans à travailler dans un organisme ici à Québec qui s'appelle la Boîte à Sciences, où j'ai fait je sais plus combien de centaines ou au moins un bon millier d'heures d'éducation scientifique dans des écoles primaires partout dans la région. Et puis, ça consistait à concevoir, à imaginer des activités pour mettre les jeunes en contact avec de la science, à fabriquer des bidules. Oui, effectivement. Ça? La Boîte à Sciences se spécialise en éducation scientifique. Ils ont créé des ateliers d'une heure. Ils se déplacent à des animations volantes. Donc, ils vont dans les écoles pour faire de l'éducation scientifique. Ils vont faire un peu le travail que les enseignants de primaire ne se sentent pas toujours compétents de faire. Donc, ils se proposent pour le faire. Donc, j'ai travaillé là pendant 6 ans. C'est de l'animation et effectivement de la conception. Je devais créer des ateliers, des trousses pédagogiques, non seulement pour la Boîte à Sciences elle-même, mais pour des clients qui commandaient des choses comme ça. Et tout ça, finalement, a amené au bunker? Oui. En fait, il y a une petite étape intermédiaire. Quand j'ai quitté la Boîte à Sciences il y a maintenant 6 ans, je me suis dirigé, je voulais travailler à mon compte, je voulais être un peu plus journaliste scientifique, mais la conception, l'éducation scientifique, c'est resté collé à ma peau, et puis j'ai démarré mon entreprise qui s'appelle Sapiens, Sapiens Communication Scientifique, et qui offre ses services à des écoles, des musées, des magazines. Et puis, il y a bientôt un an, une idée a germé chez nous, chez Sapiens. Moi et mon collègue David, on s'est lancé dans l'aventure du bunker. Donc, ce bunker, qu'est-ce que c'est? C'est intriguant. Oui, oui. Ce qu'on invite? On invite les gens à venir faire un jeu. C'est un jeu scientifique. Un jeu scientifique dont vous êtes le héros. Et puis, on invite les gens à se mettre dans leur propre peau, mais dans un futur un peu fictif, qui pourrait être vrai. on amène les gens en 2021, donc dans 3 ans. C'est vrai, c'est bientôt. C'est tout récent. Et puis, c'est plus du tout la Terre, la vie telle qu'on la connaît maintenant. Il y a eu un conflit mondial très intensément dévastateur. On estime qu'il reste environ 5% de l'humanité. Ce sont des estimations parce qu'il y a tellement plus rien. Il y a plus de moyens de communication. Il y a plus de pays. Il y a plus de gouvernement. Il y a plus rien. Il y a même plus de communication. Donc, on n'est même pas au courant de qu'est-ce qui a causé tous ces désastres-là. Est-ce que c'est des armes chimiques? Est-ce que c'est des armes atomiques? Est-ce que c'est du bactériologique? On a des idées, mais on n'est pas très informé. Et puis, on est en mode survie. Ça fait quelques mois qu'il se passe plus rien. Donc, on suppose que la guerre est finie. Et puis, on essaie de survivre. Puis, le bunker, le défi qu'on lance aux gens, c'est après avoir installé tout ce décor-là, toute cette histoire-là, cette trame narrative, on leur lance des défis. On leur dit, on a des éclaireurs sur le terrain qui ont repéré des endroits où on pourrait redémarrer ou du moins construire une première nouvelle société dans le but d'éventuellement vivre mieux que survivre en ce moment. Et puis, dans le bunker de la chimie, on les invite à faire des analyses. Ils doivent mesurer, ils doivent valider est-ce que l'eau est potable ces 5 sites-là. Est-ce qu'on trouve, par exemple, des plantes qui contiennent naturellement de la vitamine C? Parce que là, le scorbut est en train de revenir, parce qu'on mange des patates puis du rat. C'est charmant. Donc ça, c'est le bunker de la chimie. Et puis, il y a une autre salle aussi, le bunker de la physique, toujours dans la même trame narrative, dans la même histoire. Dans le bunker de la physique, là, on a l'histoire, c'est qu'il y a trois prétendus ingénieurs qui nous ont soumis des plans pour cette fameuse future cité qu'on doit construire. Et puis, on n'a aucune idée si ce sont des vrais ingénieurs qui savent de quoi ils parlent. Donc, il faut faire des tests, faire des essais. Ouais. Et ça implique de comment on va générer notre électricité à partir du vent, à partir du soleil. Comment on peut assurer notre sécurité avec des espèces de canons électromagnétiques, des choses comme ça. Donc, la physique est à l'honneur dans le bunker de la physique. Ouais. Qui est tout récent, c'est le petit dernier. Oui, mais en fait, ça, c'est une aventure qui a commencé quand, c'est bon. Ça doit faire environ un an que l'idée a germé. C'est un partenariat très, très important avec l'Université Laval, plus précisément le département de chimie, et encore plus précisément M. Normand Voyer, que vous avez à votre micro ici de temps à autre. Moi, à l'époque, il y a déjà plusieurs années, pour Normand et pour le département de chimie, j'avais développé un laboratoire mobile qui s'appelait la caravane Défi Chimie, qui devait normalement se déplacer dans les écoles du Québec, se déployer dans des locaux, puis faire de la chimie de façon intéressante et attrayante et même sexy pour des ados. Et par contre, ça coûtait très cher pour une école recevoir cette caravane-là. Alors, elle ne sortait jamais. Et j'étais au courant que depuis 5-6 ans, dans un sous-sol de l'Université Laval, dormait ou plutôt s'empoussiérait la caravane de Fichimie. Et puis, on a contacté Normand Voyer en lui disant qu'est-ce que vous diriez que la caravane qui était mobile devienne fixe, mais qu'elle reçoive des groupes scolaires. Et puis, il était très enchanté par l'idée. Lui, l'important pour lui, c'était qu'elle soit utilisée. Alors, c'est un prêt. En fait, on a eu le matériel de l'Université Laval. Et puis, depuis ce temps-là, au départ, on n'imaginait pas on n'avait pas vu le scénario tout de suite, mais on s'est installé dans les sous-sols de l'endroit où on est à Lévis, chez Zapiens. Une grande salle tout en béton, pleine de tuyaux au plafond, puis on l'appelait amicalement entre nous le bunker. Ah oui. Et puis graduellement, la thématique s'est imposée, puis on a eu des idées, puis voilà toute l'histoire narrative que je vous raconte depuis tout à l'heure. Mais là, ça n'accueille pas que des groupes scolaires maintenant. Les gens peuvent y aller, les familles peuvent y aller le samedi. Exactement. On peut simplifier en disant qu'on a deux clientèles. On a la clientèle scolaire durant la semaine, donc des groupes scolaires qui partent en autobus de... On a eu des gens de Montréal, de Drummondville jusqu'à maintenant. Ouais, des gens qui viennent de loin pour faire le bunker. Et effectivement, la fin de semaine ou les week-ends ou les congés comme la relâche, là, on ouvre ça pour les familles. Là, au lieu de réserver un plein autobus, les gens réservent pour 2, 3, 4, 5 personnes en petit groupe. Donc, comment ça se passe concrètement? Est-ce que les jeunes qui arrivent là, d'abord, en fait, ça s'adresse à des jeunes de quel âge? Il y a peut-être qu'à 2 ans, c'est peut-être un peu jeune. Peut-être qu'à 18 ans, c'est peut-être un peu dépassé aussi. Effectivement aussi. on a conçu le bunker de la chimie et de la physique avec en tête le premier cycle du secondaire, c'est-à-dire les secondaires 1-2, donc on parle de 12, 13, 14 ans. D'accord. C'est le niveau qu'on a visé. En famille, c'est parfait. Évidemment, des enfants de moins de 10 ans, ça commence à être difficile parce qu'il y a de la lecture, il faut être rapide. C'est une formule qu'on s'amuse à qualifier de speed science, un peu comme le speed dating, où il y a 5 stations et on a une durée limitée, on a 8 minutes par station pour réussir les expériences, ce qui est très rapide dans certains cas. Donc, il faut être efficace. Il y a des choses à lire, il y a des choses à comprendre, il y a des associations à faire. À moins de 10 ans, ils s'amusent les 10 premières minutes, puis ensuite, ils trouvent le temps long parce que c'est quand même très cérébral. Il faut plonger puis se concentrer dans ce qu'on fait. Là. Donc là, si je comprends bien, les jeunes sont amenés, ils ont donc des étapes, des défis à relever. Là, ils vont eux-mêmes expérimenter, ils ne vont pas juste regarder ce qui se passe, ils vont eux-mêmes être amenés à être forcés à expérimenter. On les force. C'est ça. Effectivement. Mais oui, c'est un vrai labo. Et puis les jeunes deviennent des techniciens de labo ou même encore mieux des chimistes. Ils deviennent des chimistes. Ils ont un protocole il y a 5 petites stations. Donc, à chacune de ces stations-là, il y a du matériel. Il faut ouvrir les tiroirs, il faut sortir les béchers, les Erlenmeyer, les éprouvettes. Il y a des échantillons à aller chercher sur des tablettes. Donc, on recrée un peu le temps d'une heure, une heure et quart, une petite fourmilière de laboratoire où on est pressé, où on leur dit qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité, les batteries sont limitées, donc il faut faire ça vite. Et puis, le but, c'est effectivement ça fait partie de la philosophie de Zapiens en général, ce projet-là du bunker, faut mettre la main à la pâte si on veut. On veut les intéresser à la chimie, il faut leur faire de la chimie. Si on veut les intéresser à la physique, il faut qu'ils fassent de la physique. Mais j'imagine qu'il y a quand même des instructions, quand même, on les paye pas comme ça devant les ateliers, devant le matériel, et puis bon, débrouillez-vous, il y a des instructions. Est-ce que c'est juste la lecture? Est-ce qu'il y a un animateur qui les guide? Il y a un animateur qui les lance dans l'aventure, qui leur donne les règles de sécurité, puis quelques règles de fonctionnement. Mais lorsqu'on démarre démarre le chrono, sur chacune des stations, il y a, par exemple, dans le bunker de la chimie, des tablettes numériques. Il y a des instructions, et puis là, sur le iPad, comme on dit, ils vont page par page, ils voient les instructions. OK, prenez 25 grammes de ci, faites mélanger avec ça. Vous devez découvrir est-ce qu'il y a de la vitamine C dans ces plantes-là, etc. Donc, ça serait effectivement, l'animateur aurait pas assez d'une seule bouche pour expliquer à cinq stations en même temps quoi faire. Donc, D'où la limite d'âge, la limite inférieure à 10-12 ans. Ouais. Parce que, bon, ça prend des aptitudes de lecture. Il faut être en mesure de Il faut comprendre lire ce qu'on lit. Vite et bien, oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut savoir lire et comprendre ce qu'on lit. Comment ça se passe? Parce que là, il y a un groupe scolaire qui arrive où il y a peut-être plusieurs familles qui arrivent en même temps. Mm-hmm. Donc, il y a des départs à certaines heures. Et puis, il y a plusieurs... est-ce que les jeunes font les expériences, le parcours individuellement? Est-ce qu'ils se regroupent? Est-ce que c'est parallèle? Est-ce qu'ils se croisent? Oui. J'ai un peu de mal à m'imaginer comment ça se passe. Ben, il y a effectivement on appelle ça un départ. Il y a un départ à heure fixe. Ouais. Le week-end, par exemple, lorsqu'on reçoit la clientèle familiale. Par exemple, à 13h, il y a le bunker de la chimie qui commence. On demande aux gens d'arriver quelques minutes d'avance. Et puis, lorsqu'on démarre tout ça, effectivement, c'est plusieurs familles qui ont réservé. On peut avoir 15, 20, 25 personnes qui forment ce groupe-là. Et puis, on redivise tout ça en 5 petites équipes. Mm-hmm. Chaque équipe s'installe à une station, à une table, et puis à toutes les 8 minutes, on change de table. Donc chacune des 5 équipes va faire les 5 expériences, et ça nous permet d'ajouter une couche d'éducation là-dedans. Oui, ils apprennent des faits sur la chimie, les acides, les bases et compagnie, mais après ça, on leur explique la méthode scientifique, l'importance de la répétabilité, l'importance des statistiques, de faire plusieurs fois les mêmes expériences pour arriver à un consensus, etc. Donc ça fonctionne comme ça, et à toutes les 8 minutes, il n'y a pas une alarme, mais il y a l'animateur qui fait « OK, ça y est, c'est le temps qu'on avait, on change de station. » Ah ouais, ouais. Et puis, dans certains cas, lorsque tout ce beau monde-là se connaît, comme un groupe scolaire, par exemple, ils vont se faire souvent une espèce de petite compétition entre eux, les 5 équipes. On n'a même pas besoin de le dire. ils veulent être l'équipe qui va trouver les bonnes réponses. Mm-hmm. Lorsque les gens se connaissent moins, ils le voient plus. Un peu plus, justement, comme un vrai travail de scientifique où le travail de chacune des équipes va contribuer au savoir qu'on va créer au bout de la ligne, en 1h15. Et quand ça se passe avec des familles, que font les parents pendant ce temps-là? Ah, ils sont primordiaux. Ils sont nécessaires. Ouais. Oui, ils sont. C'est comme je le disais, on laisse peu de temps aux gens. Les manipulations sont quand même, sans être complexes, elles sont nombreuses. Il y a plusieurs choses à faire. Parfois, c'est nécessaire, même à l'intérieur de la petite équipe de 5 ou 6 personnes, de se rediviser le travail pour être sûr de caser dans les 8 minutes. Ouais. Donc, nous, on voit pas vraiment de différence entre les enfants et les parents. Ils sont 4 chercheurs momentanément, et ils doivent tous mettre la main à la pâte et travailler. Non. C'est sûr que concrètement, les parents vont souvent être ceux qui vont prendre le leadership de par exemple, il y a un des parents qui se dit moi je vais lire les instructions à voix haute, puis vous obéissez. Ouais. Donc c'est souvent les parents qui vont prendre ce rôle-là. Ouais. Dans certains cas où les enfants sont un peu moins habitués, un peu moins rapides, le parent lui va devenir OK, moi je suis scientifique en chef, puis je m'assure, parce qu'il y a quand même ça demeure un défi. On leur demande, arriverez-vous à faire les expériences en 8 minutes? Puis un peu d'orgueil et d'ego qui embarque là-dedans. Donc, un parent qui voit que ses enfants vont pas assez vite lors de la première expérience, les 4 suivantes, tout à coup, ça va plus vite parce qu'il prend les choses en main. Donc, c'est intéressant à voir. Comment ça s'intercale les connaissances scientifiques qui sont nécessaires pour passer à travers ces expériences par rapport au programme scolaire, donc des premiers cycles de secondaire, c'est ça? Effectivement. Donc, parce qu'il faut pas que ça... Est-ce que les connaissances excèdent ce qu'ils doivent savoir à cet âge-là? Sans avoir fait de statistiques très précises, je vous dirais qu'on a peut-être un peu plus de deux tiers de ce qu'ils font, là, que ce soit une analyse de pH ou un titrage ou une filtration, des choses comme ça. Environ le deux tiers, c'est des choses qu'ils ont vues en secondaire 1 et 2 ou qu'ils sont en train de voir, du moins. Puis nous, en passant chez nous, ils en apprennent un peu plus quand même. Le tiers restant n'est pas vraiment prévu au programme du ministère. Parce qu'on veut les mettre dans une condition quand même de réussite. On veut qu'ils aiment ça. Donc, si c'est toutes des choses nouvelles ou trop compliquées, ça ne va pas marcher. Donc, exactement. C'est ça, ouais. Mais les fameuses 5 expériences sont somme toute assez simples en tant que telles. D'accord. C'est aussi un prétexte pour faire du labo. Au secondaire, ils en font un peu, ils manipulent. Donc, c'est l'occasion de mettre en pratique des choses qu'ils ont vues aussi en termes de d'aptitude, et non pas seulement des connaissances. Donc ça, c'est... il y a ce parcours-là, mais je regardais aussi un petit peu sur le site, il y a plusieurs formats d'activités. Oui. Il y a les activités pour les anniversaires. Effectivement. C'est des machins atomiques. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le party atomique. Le party atomique. électronique ou autre? On a... ben, y a les deux premiers produits qu'on a créés étaient le bunker de la chimie et le bunker de la physique, donc ce dont on parle depuis tout à l'heure. Mais on avait il y a eu une demande très énorme parce qu'on a eu l'agréable surprise d'avoir un succès assez instantané dès qu'on a ouvert ça l'été dernier. On était à 80% de notre capacité à peu près pendant tout l'été. Sauf qu'on a eu beaucoup de demandes. Les gens nous appelaient puis disaient, ben moi mon enfant a 6 ans ou à 7 ans ou à 8 ans. Puis on leur disait, ben on vous recommande plus ou moins parce qu'on l'a essayé. Ouais. Et puis c'est pas agréable ni pour l'enfant ni pour le parent parce que c'est un peu trop poussé comme. Mais on a développé des thématiques pour les plus jeunes, les tout petits. Alors c'est ce qu'on appelle le bunker junior. Il y a trois thématiques différentes. Une où on explore la science des sons et de la musique. Une où on explore l'électricité. Et une ça c'est le genre de choses où on oublie toujours le dernier. bon, tout ce qui est densité, flottabilité, ouais. Les gaz, les liquides, ces choses-là. Donc, c'est trois thématiques qui ont été développées, et là encore en tenant compte des groupes d'âge. On a du 6-8 ans, ensuite du 8-10, puis du 10-12 ans. Donc on est capable maintenant d'accueillir des familles avec des enfants plus jeunes qui trouvent leur compte et qui ont Mais est-ce qu'ils vont également mettre la main à la pâte? Oui, tout à fait. D'accord. On pousse un peu moins la thématique après-guerre et tout ça. Ouais. On veut pas... effrayer non plus. Ouais, effrayer. On veut pas qu'il y ait des discussions tristes après à la maison. Donc, on l'aborde très légèrement, mais effectivement, là, c'est ça. Je me plais à dire que ce sont des ateliers scientifiques. On vient fabriquer. C'est presque de la techno, là. On fabrique des montgolfières, on fabrique des petits sous-marins qui fonctionnent. On essaie. Ah ouais. On prend des chocs électriques. Donc, oui, c'est conçu pour les tout petits, pour les 6 à 12 ans. Ça, c'est les bunkers juniors. On les inaugure plus officiellement dès la semaine prochaine à la relâche. Toutes les matinées, les avant-midi de la relâche sont consacrés au bunker junior. Donc, c'est une activité qui dure 2 heures à faire en famille. Mm-hmm. Et puis, pour les plus vieux, il y a le party atomique. Ça, c'est ce qu'on appelle la clientèle corporative. Vous êtes une bande d'animateurs de radio et pour votre party du printemps, vous voulez quelque chose d'original, ben vous vous déplacez au bunker. On vous fait vivre soit le bunker de la chimie ou de la physique à votre choix. Et ensuite, on passe en mode 5 à 7. On a habillé les lieux pour que ce soit un peu plus décontracté qu'un bunker corrosif. Mais tout ça se fait. Notre animateur ponctue la soirée, plusieurs fois la soirée, de démonstrations un peu impressionnantes en termes de cuisine moléculaire. On fait exploser des boîtes de chips, des choses comme ça. On s'amuse. On s'amuse, exactement. Ouais. Donc, on s'amuse là pendant le party atomique, mais j'imagine que même avec les autres activités, avec les jeunes, quand même, globalement, ils s'amusent quand même. Ils sont là, bon, il y a une espèce de, peut-être, de compétition, il y a un défi, mais ils ne partent pas de là en pleurant. Non, jamais. J'ai pour moi dire qu'il y a suffisamment d'endroits où la science est plate. On peut bien en créer où la science est le fun. Ouais. Donc, nous, le bunker, c'est avant tout un jeu. Mm-hmm. C'est avant tout, on va là pour avoir du plaisir, pour relever un défi, pour s'amuser entre amis ou en famille. Et puis, par la bande, ben, on leur insère quelques données de plus dans le cerveau et ils se rappellent ils apprennent quelques petites choses. Mais oui, on n'est pas un milieu scolaire, on n'est pas un milieu formellement éducatif. Au contraire, c'est du divertissement, c'est du loisir. Pour vous dire, notre pub, on l'a fait surtout dans les milieux touristiques puis dans les milieux familiaux. Donc, c'est une activité à faire en famille. Et puis, ça tombe bien, c'est aussi éducatif. Ah oui, donc puis la semaine prochaine, c'est la relâche. Donc, peut-être qu'il va y avoir des inscriptions. Parce que là, finalement, si on veut participer, il y a un site. On n'a pas dit où est-ce que ça se trouvait. Oui, le bunker est situé à Lévis. Oui. Mais il pourrait difficilement être plus près de Québec. On est juste à côté de la traverse, où le traversier arrive. C'est un gros bâtiment dans lequel il y a déjà une microbrasserie qui s'appelle le Corsaire. Ben, on est dans les sous-sols. Les sous-sols du Corsaire, en quelque sorte. C'est bien dit. Ouais. Dans les cales du Corsaire. Effectivement. Ouais. Donc, puis j'imagine que bon, il y a un site internet, le bunker C'est bunkerscience.com. Ouais. Toutes les informations sont là. On peut réserver en ligne, on peut même payer d'avance en ligne, D'accord. donc c'est réglé. Parmi notre offre de service, on offre aussi des fêtes d'enfants. Les matinées de week-end, les samedis et dimanches de 10 à midi, on a la possibilité de faire un anniversaire scientifique où là, on reprend les thématiques du bunker junior, mais là, c'est en mode privé. Autrement dit, c'est vraiment un petit groupe qui réserve la salle avec l'animateur juste pour eux, puis ensuite, on leur laisse la salle, le décor du bunker pour manger le gâteau et déballer les cadeaux. Mais tout ça, ça a l'air quand même d'être une entreprise qui tourne assez rondement. Il y a des activités qui se rajoutent. Il y a combien de personnes qui travaillent? Oh, c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec peu de monde. Oui. En fait, on est le noyau dur, appelons-le comme ça, de Zapiens. Il y a moi et mon associé David. vide. On a une employée à temps plein et deux à temps partiel. D'accord. Et puis, les deux temps partiels sont là pour justement assurer les animations de week-end et principalement. Ouais. Mais non, tout ça se construit avec peu de cerveau, mais beaucoup de motivation. C'est ça, exactement, des cerveaux bien touffus. Et du café. Et puis, bon, parce qu'on voit quand même que ça, le concept du bunker de la chimie a bien fonctionné. Il a eu un petit frère, le bunker de la physique, le bunker junior, etc. Oui. Quels sont, Joël, quels sont les plans pour l'avenir? Parce qu'il y a d'autres bunkers, le bunker de la biologie, qui vont s'ajouter. Dans nos... Des mathématiques. J'allais dire dans nos rêves, mais dans nos plans. Dans nos plans à pas trop long terme, là, on aimerait effectivement ouvrir une troisième salle, un troisième bunker qui serait probablement dédié à la biologie ou en tout cas les sciences de la vie ou le médical ou de ce type-là. À moins que un partenaire vienne nous voir et dit « Moi, je travaille dans tel domaine et je suis prêt à financer, à vous aider à démarrer un bunker de l'arithmétique ou de l'astronomie ou je sais pas quoi. » Mais oui, on aimerait bien avoir au moins une troisième salle. On a des visées expansionnistes aussi. Le modèle fonctionne bien ici. On a l'intention avant longtemps de se retrouver probablement à Montréal et peut-être ailleurs. Ah ouais. Donc, ouvrir des bunkers ailleurs. Peut-être le futur Walt Disney de la science, peut-être, cette histoire-là. Ben oui, peut-être. Je vois qu'on peut voir grand. Oui, il faut. Mais là, du coup, il va peut-être falloir retarder la date de cette fameuse hécatombe qui va arriver en 2021. Ah oui, on la repousse à chaque année. L'an passé, on parlait de 2020. Déjà, là, depuis un mois, on est arrivé en 2018, donc on l'a repoussé un peu. Voilà. On a été inspiré aussi, au moment où on construisait tout ça, il y avait les États-Unis, la Corée du Nord, tout ça, en fait. On est peut-être des prophètes de mauvais augure. Disons que c'était un prétexte pour une belle aventure avec des jeunes qui ont allé faire expérimenter des... Effectivement. Puis l'histoire de la guerre là-dedans n'est qu'effectivement qu'un décor dans tout ça. Parce que ça aurait pu être la fin du monde a eu lieu à cause des changements climatiques ou autre chose. Voilà, exactement. Mais écoutez, Joël, c'était fort intéressant. Puis moi, ça me donne un petit peu envie d'y aller, mais je crois que je suis un petit peu trop vieille pour y aller. Ben non, en formule partie atomique. Formule partie atomique, on pensait à ça. merci beaucoup, Joël, d'être venu nous décrire toutes ces activités. Puis on vous souhaite d'avoir beaucoup de monde la semaine prochaine pendant la période de relâche, puis même le reste de l'année. Et puis surtout de l'expansion. Oui. Faire plein de petits bunkers un peu partout. Des petits bunkers, c'est bien dit. Merci Valérie. Parlant de la relâche, si les gens sont intéressés, il faudrait réserver bientôt parce que ça part vite. On a des places limitées. Oui. Donc, bunkerscience.com. Alors, merci beaucoup. Puis, je rappelle que nous étions en compagnie de Joël Leblanc, qui est donc le co-concepteur de ce bunker. Alors, après cet intermède ludico-scientifique, on va aborder le thème de la guerre, mais plus sérieusement, avec Yvan Dutil, qui nous dira si notre période est plus pacifique ou plus belliqueuse que les périodes précédentes.